Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission où nous parlons radio durant trois quarts d'heure à travers les carrières de ceux et celles qui la font ou qui l'ont fait. Je le dis au passé parce que dans une partie de cette 70e mécanique, on va revenir en arrière au temps des radios libres et plus particulièrement de l'une d'elles, une certaine énergie dans laquelle mon invité a officié et qui aurait été aussi un bon tremplin pour lui puisque énergie lui aura ouvert les portes d'une longue série d'expériences dans les médias, expériences qu'il a mis à profit au service des autres, un invité qui se nomme Jean-Marc Laurent. She don't love you, Freddy, Daniel Attiri, on se demande pourquoi, enfin, je réfléchirai à ça tout à l'heure. Ça ne vous regarde pas, en tout cas à l'instant, c'était Chemise. Jean-Pierre Madère. C'est récent, en conséquence c'est nouveau. Ça vient de chez Flare et Lâche, ça s'appelle Disparu. On l'écoute et on se retrouve après, d'accord? Non, non, on se retrouve tout de suite avec Jean-Marc en studio. Bonjour à vous. Bonjour, Eddy. Et ça fait bizarre de se dire, de t'entendre une archive, on entend que Jean-Pierre Madère est une nouveauté. Exactement. Et ça fait, c'est bizarre aussi de se réécouter, même si je connais certaines archives, évidemment. Bon, pour la voix qu'il a fallu bien travailler ensuite, mieux la poser, etc. Puis il y a plein d'erreurs dans les speaks qui sont à venir dans les archives, si on en entend. Ah, il y en aura, oui. Mais on va commencer par le commencement, parce qu'on va y revenir juste après. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Je voulais savoir, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bah, ça me rappelle forcément, oui, alors je suis au micro de votre station qui est donc associative et qui a tenu à le rester. Et ça me rappelle des souvenirs pour les débuts de Énergie, qui était une assoce hein, aussi. De toute façon, toutes les radios FM qui sont arrivées dans les années 80 et qui ont après opté pour la pub en 84 ont dû changer de statut. Et après sont devenus hyper commerciales. Moi, j'aime bien les radios associatives parce que je sens encore cette dynamique, ce côté passion de la radio. Quand on écoute la FM, et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, moi, je m'embête, pour rester poli, hein, la FM uniquement musicale, j'entends. Voilà. Et je continue aussi à bosser pour une associative, voilà, pour aider les rédactions qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont toujours dans cette dynamique de vouloir faire des choses aujourd'hui et d'être à l'écoute. Alors avant Énergie, parce que quand vous avez commencé, c'était presque au début de cette libération des ondes. Complètement. Vos premières écoutes radio, c'était quoi? Ah bah alors, j'écoutais beaucoup Europe 1. On n'avait pas grand choix. Hein. C'était Europe 1, RTL, France Inter. Non, je n'écoutais point. Moi, c'était Jean-Loup Lafont sur Europe 1, François Diveau, et puis RTL. J'écoutais Georges Lang, je crois bien. Oui, oui. Quelqu'un qui avait une superbe voix, qui a toujours d'ailleurs. Et j'adorais cette radio qui était de la magie, parce que il n'y avait pas les webcams, donc on voyait pas les personnes hein, dans les studios. On imaginait avec la voix qui était, comment était l'animateur, et rarement on les voyait dans la presse en photo. Mais c'était passionnant pour moi. J'écoutais Colaro aussi, qui avait une émission sur Europe 1. Et est-ce que, justement, en écoutant ces radios à cette époque, vous vous imaginiez, vous, à cette place, oui, en tant qu'animateur? Mais oui, parce que dès l'âge de 5-6 ans, très très tôt, j'ai voulu faire ce métier. En fait, je savais pas trop quoi, mais radio, télé, acteur connu, enfin c'était ça en fait, c'était faire un truc public. Et je crois que mes parents, j'ai bassiné leurs oreilles en fait à faire des faux spectacles, des fausses émissions, des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai toujours voulu être dans ce milieu. Et heureusement, je suis né au bon moment, à la bonne époque. Donc, je suis né en 65 et en 81 sont arrivées ces radios autorisées, en tout cas. Qui étaient libérées par François Mitterrand, donc qui était élu président. Et alors, du coup, découverte des radios libres. Oui, là, alors, c'était la révolution. C'est là, il faut se remettre à 40 ans en arrière parce que franchement, c'est un phénomène, c'était dingue. Tous les lycéens, tout d'un coup, découvraient en tournant le bouton sur la radio des tas de musiques différentes, des tas d'animateurs qui se prenaient pas la tête et qui étaient très proches. Il y avait la convivialité et qu'on pouvait joindre par téléphone. Bon, j'aurais des anecdotes éventuellement à raconter, mais voilà, toutes ces radios, tout d'un coup, représentaient bien cette jeunesse. Et il faut dire qu'on n'a pas eu les moyens de s'exprimer pendant des années et des années, parce que c'était monopole d'État. Et c'est, je crois, dans les années 60, en 68, quand il y a eu ces mouvements en France, et que les jeunes se sont dit, mais à travers la radio, il y aura sûrement quelque chose à faire pour une communication sociale, pour, voilà. Mais les gouvernements ne voulaient pas, tant que c'était monopole. Et dès que c'est arrivé en 81, on a vu ce que ça a donné, hein. À peine Mitterrand a dit c'est ok, c'est bon, il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà 500, 600, 700 radios dans toute la France qui émettaient. Et parmi elles, donc, une certaine nouvelle radio jeune, imaginée par Jean-Paul Bottecroux. Bon, alors, on va pas refaire l'histoire d'énergie, hein. Je pense que Internet s'en occupe déjà bien largement et correctement. Exact. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé, du coup, à rejoindre Énergie? C'était votre première expérience. Oui, alors complètement. Alors c'était en fait, j'habitais au but de Chaumont. Énergie était à Télégraphe, c'est vraiment pas loin, puisque rue du Télégraphe, c'est le plus haut point de Paris. Bottecroux avait bien choisi son site là aussi. Et moi, j'étais franchement à 300-400 mètres de la radio. Je suis allé frapper à la porte. C'est Jackie Gallois qui m'a ouvert, que vous avez reçu. Et j'ai dit à Jackie que j'étais géo au Club Méditerranée. Je sais pas comment il a pu me croire. J'ai dû être très persuasif, mais franchement, j'avais 17 ans. J'ai dit géo au père, je fais de l'animation, je m'y connais en musique. Il m'a posé 2-3 questions sur la funk music. J'ai répondu juste. Et il m'a dit, OK, tu peux proposer une maquette, on cherche des personnes pour la nuit. Bon, j'ai proposé une maquette. 15 jours après, j'ai été mis à l'essai en pleine nuit, à 3h du mat, et ça a duré pendant quelques mois pour cette période d'essai, où j'hésitais pas à 3h à venir à pied, évidemment, à Télégraphe pour faire de la radio. Après, j'allais me recoucher, puis à 13h, il y en a un qui arrivait pas, donc on me réveillait. Il fallait que j'aille vite à la radio pour remplacer quelqu'un. Mais c'est fabuleux. Ça construit... j'ai pas fait d'école, en fait. Hein. Alors du coup, vos toutes premières secondes au micro d'Énergie, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Bah oui, légèrement, je m'en souviens légèrement, mais je crois que j'avais très peur, la bouche sèche, les mains moites. Et je crois que j'avais peur de me tromper là sur la console, qui sont compliquées aujourd'hui, ça va. Mais voilà, j'avais peur de mal faire démarrer le disque, parce que c'était des disques, hein. Mal envoyer, couper le micro ou le laisser ouvert. Enfin, et puis il y avait des personnes, 2-3 personnes dans ce petit studio qui étaient encore là, donc ça m'intimidait. Moi, je suis timide, donc je n'ose pas trop me mettre en avant si je vois les gens. Après, je suis capable. J'ai lu qu'il y a des animateurs qui dormaient sur place aussi. Ah oui, parce qu'en fait, il y avait un placard qui est devenu discothèque, et dans ce placard, ceux qui n'avaient pas de voiture pour rentrer chez eux en pleine nuit parce qu'ils habitaient loin, en tout cas en région parisienne, il n'y avait pas de train, et ils dormaient dans ce placard. C'était un peu sale, hein, faut dire. J'imagine. En tout cas, pour les curieux qui n'ont pas connu Énergie à cette époque, en 1983, Jean-Marc Laurent au micro, ça ressemblait à ça. Énergie vous donne l'heure, vous l'offre même, il est 13h. Les 60 dernières minutes. C'est Stacy Latisseau qui ouvre la marche. La dernière heure de patine tonique, toujours avec Jean-Marc. Million dollars, baby. À 14h, c'est Mitsou. À 18h, Marc. À 22h, Frédéric. Et à 2h, Gilles. Latisseau. Ah, c'est fini. Et ça me fait bien plaisir parce qu'on va pouvoir enchaîner avec d'autres choses à l'instant. Via Viva, le titre, ce sont les Dandies. C'est quoi? C'est Énergie. 13h07, voici Chalamar. Et là, le jeune qui écoute l'émission aujourd'hui doit se dire que ça a vachement changé Énergie. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, ça rappelle plein de souvenirs. Mais ça, c'est fou parce que j'étais encore lycéen, hein, lorsque j'ai commencé sur Énergie. Et quand je retournais en classe, quand j'allais en classe, tout le monde savait que c'était moi. Et donc dans le lycée, j'avais ma petite notoriété, ça me ravissait d'ailleurs. Alors, on l'a entendu dans le son, mais voilà, faut préciser aussi, énergie pour beaucoup, les années 80 de la radio, c'était Marc Scalia, Mitsou et compagnie. Alors quand il y a aussi les premières années, et puis on va citer des noms, il y a eu Jackie Gallois, bien sûr. Bien sûr. S'il écoute, on le salue, hein, bien sûr. Il y a eu Lionel Lemierre, Dominique Duforest, Chris Dobat. Donc Mitsou, je l'ai dit, Catherine Loguel, Bubu, Jean-Pierre D'Amico. Et puis aux infos, il y avait Éric Perrin, Denis Balbir, qui est à RTL ou M6 aujourd'hui, et Daniela Lombroso, sacrée équipe. Vous avez gardé contact, vous, avec les anciens avec de cette époque ? Avec Jackie Gallois, j'ai gardé contact. Mitsou, je sais qu'il est parti en Afrique, donc je crois qu'il n'y a pas énormément de contact avec les uns et les autres, ou avec deux. Il y avait, et puis j'ai gardé contact aussi avec Frédéric Derieux. Et puis Catherine Legel ne fait plus de radio, elle est à Marseille aujourd'hui. Et Éric Perrin, qui est le journaliste que vous avez cité, le premier journaliste, c'est le premier à avoir ouvert l'antenne aussi. Oui, c'est vrai. Donc Éric Perrin, malheureusement, est décédé. Mais c'était voilà quelqu'un de très très intelligent, très pointu dans ce qu'il faisait, très cultivé. Il a d'ailleurs fait une école d'animation avec Jackie. Alors, on va revenir sur ces années énergie parce que je pense qu'on a encore plein de choses à dire sur cette époque. Mais juste avant, première pause musicale que vous nous avez choisie. Et puis, alors, on va rester justement dans cette époque avec Giorgio Moroder et Chase. C'est dans Midnight Express. Et alors, un choix qui est pas si anodin puisque... Ça a été le générique de mon émission. Oui, tout à fait. C'était le thème de Platine Tonic hein, aussi, hein. C'est ça. Exactement. Votre émission. Cette musique mettait la pêche et je l'avais choisi pour ça. Et Moroder, c'était un grand du disco. Voilà. Donc Jean-Marc Laurent avec nous dans la mécanique des ondes qui revient sur ces années énergie. Je pense que vous avez encore plein de choses, des anecdotes à nous sortir là-dessus, mais pas que, hein, parce qu'il y a pas que, un parcours très très riche. Mais revenons encore un peu sur énergie quand même. Moi, j'ai vu aussi... sur internet, de Dominique Duforest, qui dirait de vous, c'est dans son livre « Énergie, ma plus belle histoire » que vous étiez aussi l'une des plus belles voix de la station. Ben oui, je le remercie. Enfin, je dis oui, c'est pas par rapport à... j'ai la plus belle voix. Je dis ben oui par rapport à Dominique. Ça m'a vraiment... ça m'a touché parce que je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça de moi. Il y avait plusieurs animateurs. Quand on fait de la radio, on a tous des voix quand même agréables. Bon, ben oui, et de le voir écrit et publié dans son bouquin, je le remercierai toujours parce qu'on m'a souvent parlé de ça, justement. Ah, Dominique Duforest a dit que lui, qui en plus était la voix d'une émission. Ah oui. Voilà. Une grande voix. Une belle voix, oui. Alors, votre aventure à Énergie a duré combien d'années à peu près ? Je sais pas, alors, en deux temps, je suis parti juste avant la manifestation de décembre 1984. Et donc, je suis arrivé début 82, je suis parti à l'automne 84. Et ensuite, je suis revenu à Énergie, mais je voudrais peut-être pas tout de suite en parler, dans les années 2000. Et alors, vous me parliez de certaines choses que vous avez pu dire à l'antenne. Avant dans les gaffes. Ouais. Les gaffes Énergie, oui. On peut en parler. Bah, voilà. Alors, une artiste, Catherine Lara, chantait La Roqueuse de Diamants. Et en désannonce, évidemment, tiens, il y a le mot diamant. Bah, je faisais beaucoup d'imitations à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je vais la désannoncer en imitant Giscard. Et en parlant des diamants de Bocassa. C'était madame Catherine Lara, avec les diamants. Vous savez, ces diamants que mes chiens portent, etc., etc. Et puis, évidemment, fallait surtout pas dire ça à l'antenne. Je me suis fait taper dessus. J'ai eu un blâme. Max Guazzini m'a téléphoné. Parce qu'il écoutait beaucoup pendant l'émission, ce qui a quand même, c'est pas bien. Il vaut mieux attendre la fin de l'émission parce que moi, ça m'a un peu sapé, quoi. C'est ouais. En direct là, comme ça. Alors, j'imagine, j'imagine. Et alors, votre départ à Énergie, du coup, le départ des termes des années 80, oui. On va dire en termes moyens. Parce que moi, je voulais remplir mon CV, avoir beaucoup d'expérience, et je ne voulais pas rester disque jockey. L'Énergie, c'est une radio, je l'aime beaucoup, ça m'a permis de faire plein de choses, et de me former et tout, mais on est plus disque. C'est, voilà, moi, je voulais être journaliste. Donc, il a fallu que j'aille vers d'autres radios pour apprendre le métier de journalisme, pour écrire dans la presse, pour travailler le matin, à CVS avec Roland Fort, par exemple, etc., etc. Alors, vous avez une anecdote aussi avec Thierry Leluron, je crois, par rapport aussi à Énergie. Oui, parce qu'à un moment donné, Thierry Leluron, donc je connaissais, faisait un spectacle à Marigny, et ce spectacle-là, il avait décidé d'offrir pour la radio Énergie quelque chose sur scène devant tout le public, et il a fallu qu'on monte ça. Et en fait, il prenait le nom de chaque animateur et dans chacune de ses imitations, il donnait le nom de l'animateur sur scène devant le public, ce qui ravissait évidemment toute l'équipe. Et il m'avait demandé, et il a fait des jingles pour Énergie. Donc on peut entendre une imitation. C'est à moi, non, c'est radio stéréotonique, vous avez dit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, on peut le dire quand même. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, je vous invite à écouter Énergie, la radio stéréo. Monique, non, Claudique, Tonique. Très belle pépite. Oui, alors mais pour les plus jeunes, cette voix qu'il imite, ça ne dit rien. C'est Denis Fabre en fait. Il imite Denis Fabre qui était vraiment la star des speakerines de la télé, très jolie femme. Voilà, il l'imitait parfaitement. Et il nous avait fait plusieurs jingles, il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y avait aussi Alice Sapritch. Donc du coup, l'après Énergie, donc vous aviez dit CVS, donc qui est à Versailles. Exact. C'était chapeauté par Roland Fort. Alors, du coup, je passais d'Énergie, qui avait déjà une bonne notoriété, à CVS, qui était juste une radio, on va dire, locale, d'élus locaux, sur Versailles. Et en revanche, ça m'a beaucoup apporté pour travailler le matin avec une rédaction qui fournissait tant d'infos. Moi, j'étais le présentateur passe-plat et Nicolas Poincaré bossait avec moi, qui ensuite a fait sa carrière sur d'autres radios. Et je suis pas resté très longtemps sur cette radio à Versailles. D'ailleurs, j'habitais à 50 mètres de Versailles et le directeur, j'ai eu deux directeurs en 6 mois, j'ai connu. Hein. Claude Rubin, qui est un ancien de la télé, qui a bossé d'ailleurs avec Denis Fabre. Et puis Philippe Adler, qui est allé aussi faire du jazz et qui faisait du jazz. Oui, je me souviens sur Jazz 6 sur M6, hein, notamment. Oui. Et après CVS, nouvelle expérience, alors on passe de la petite radio locale, je crois, à la radio mondiale. Ah, alors Radio France Internationale, exactement. Pour moi, génial, parce que je travaillais avec un réalisateur qui est actuellement au Studec, qui s'appelle Renaud Amado, qui m'a permis de m'adresser d'une autre manière au monde entier, à ceux qui comprennent le français, mais sur cette radio, où il y a plus de décalage horaire, vous donnez l'heure en temps universel, mais vous vous adressez à l'Afrique francophone, vous vous adressez à l'Amérique qui peut comprendre certains qui peuvent comprendre le français, vous adressez enfin aux expats, et ça a été, j'étais matinalier là encore, parce que finalement je faisais souvent le matin, j'avais la voix pour, et ça a été très bien, il fallait faire des papiers de fond, je partais la journée interviewer des gens, je faisais des jeux, on attendait le courrier pendant 15 jours, mais bon, c'est pas grave, et c'était très très bien. Et puis c'était la maison de la radio, et pour moi la maison de la radio, c'était, je sais pas si vous... Un monument. Non seulement c'est un monument, mais à l'époque il y avait un superbe musée de la radio qui a disparu. Oui. Hein. Et c'était tellement enrichissant et tellement bien pour moi d'être dans ce milieu-là que j'en croyais pas mes yeux d'ailleurs, même en le faisant. Mais du coup de ce que j'entends, en gros, vous avez un peu appris le journalisme sur le tas à RFI. Oui. Oui, ah bah oui, parce que du coup, je travaillais le matin pour faire les lancements de papier avec ceux qui étaient à la rédac, aussi bien ceux du sport que de l'économie, voilà. Et ça m'a permis d'attraper aussi une certaine dynamique et d'avoir une bonne expérience pour ensuite postuler à Radio France pour d'autres radios, hein, en interne des France Bleu, par exemple, pour donner. Et en fait, parce qu'il fallait que je travaille plus que les autres. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Mais c'est ça qui est c'est rare aujourd'hui, justement, des gens qui rentrent comme ça, sans être passés par une école, une formation certifiée. Coup de chance à cette époque. Maintenant, je sais pas si ça pourrait se faire encore. D'autant que si vous voulez rentrer à Radio France, ils demandent tellement de diplômes et de sortir de telle école et non pas celle-là. Bon, enfin, oui, après, c'est coup de chance. Hein. Alors, après Radio France Internationale, qui a duré combien d'années? À peu près. J'ai fait une saison et demie, mais c'est moi je démissionnais beaucoup. Alors là, il fallait que je fasse attention. C'est moi qui démissionnais parce que je voulais remplir mon CV, parce que je voulais être riche d'expérience, parce que très tôt je me disais qu'on n'a qu'une vie ici. Et voilà. Et donc je suis parti, mais ça m'a pas empêché d'aller après à Radio à France Bleu. Oui, parce qu'entre temps, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Vous avez eu une expérience à la télé. Il y a eu les débuts de M6 auxquels vous avez participé, il y a eu Antenne 2, il y a eu Paris Première, il y a eu le groupe TF1 avec le lancement de Odyssée, leur chaîne documentaire sur TPS. Du coup, moi je voulais savoir, est-ce que à la télé, avec la télé, vous avez trouvé des choses, des expériences que vous n'aviez pas avec la radio? Oui, parce qu'on s'adresse pas de la même façon, parce qu'il y a évidemment ce truc en plus qui vous regarde, cette machine qu'on appelle la caméra, et donc elle prend tout. Il faut savoir se comporter devant la caméra. J'ai appris avec... En fait, mes premières expériences télé sur M6, donc on m'a laissé tout seul, c'est Jean Drucker qui m'avait fait venir, le frère donc de Michel Drucker. Et j'ai fait des jeux et des présentations, enfin j'ai un peu fait de tout. Et ce qui était drôle, c'est que TV6, qui appartenait à Énergie, à Baudecroux, se cassait la figure. Baudecroux n'a jamais réussi au départ avec sa télévision. Et c'est M6 qui a donc pris la place. Et moi, ancien d'Énergie, je me retrouve sur ce M6 début. C'était un peu comme ça pour l'anecdote, c'était drôle. J'ai fait des jeux, un peu tout et n'importe quoi, en improvisation totale. On savait pas s'il y avait vraiment des téléspectateurs, mais il fallait quand même se comporter comme, etc. Et j'ai appris à savoir m'habiller, parce que c'était n'importe quoi. C'était vraiment... Personne me relookait, à part les maquilleuses, des fois, qui vous disaient, il faudrait que tu sois comme ci, comme ça. Tu aimes qui dans ce métier? Alors moi, j'aimais beaucoup Michel Drucker, c'était mon modèle. Donc, pense à lui quand tu vas faire l'antenne pour avoir moins le trac et tout. Bon, ça, c'est pour M6. Et après, je suis allé sur d'autres... sur TF1, groupe TF1, avec Gérard Carrérou, le directeur de l'information, pour lancer la chaîne Odyssée. J'étais adjoint à la communication et je présentais aussi des émissions. Mais là, j'avais quand même plus de... On va dire de bouteilles. Mais la radio, vous manquez quand même. La radio m'a toujours manqué. Je veux remplir. Et le but, pour moi, c'était de faire du journalisme, pas de retourner en radio, pousser des disques. J'aurais pu le faire encore, même dans les années 2000. Et justement, dans les années 2000, donc, là, vous reprenez le micro sur à Radio France, à nouveau. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Donc, j'ai postulé sur ce qu'on appelle la brigade au sein de Radio France, c'est-à-dire qu'on peut tourner dans différentes régions, ce qui est hyper formateur là aussi, parce que bon, il faut pas avoir trop d'attaches. À marier enfant et tout, parce que c'est plus compliqué, vous voyez pas souvent la famille. Mais vous arrivez le dimanche soir en train et vous devez être à l'antenne le lundi, donc faut tout de suite connaître l'équipe, se mettre dans le tissu économique, pas faire d'erreurs sur les prononciations de noms. Quand vous êtes à l'est, là-bas vers Metz et tout, il faut bien se renseigner. Dans le sud-ouest, bon, ça va, c'est ma région, donc je sais qu'on dit Pouay et pas Pouay, mais vous voyez, ils sont très à cheval là-dessus. Et puis, c'est fabuleux de s'adapter comme ça, en claquant des doigts quasiment en 2 heures, faut être à l'antenne, dans le rythme de l'émission, et ne pas décevoir celui que vous remplacez, parce que faut pas saccager quoi que ce soit. Et c'est très enrichissant. Mais d'être en contact avec les personnes qui vivent en région. D'ailleurs, au départ, je disais la province, et c'est là-bas qu'on m'a toujours dit, non, arrête de dire la province, ça fait genre, t'es le parisien, Donc, c'est plutôt la région, les régions. Et France Bleu a beaucoup changé, beaucoup évolué, parce qu'avant c'était franchement une radio pour les vieux, on disait Radio Bleu à un moment donné, c'est devenu petit à petit les France Bleu, et ils se sont développés grâce aux radios libres finalement, parce que Jacqueline Baudrier au départ avait lancé une Radio Bleu dans les années 80. Début des années 80, oui. Une en région, tout ça. Mais quand ils ont vu cette explosion de Radio FM qui arrivait en région, ils se sont dit, mais attends, Radio France, fallait qu'ils aillent là-dedans. Parce qu'ils avaient peur qu'on pique aussi les auditeurs. C'est vrai. Et du coup, on va continuer à voyager, mais alors là, on va sortir de la France. On va aller à Madagascar. C'est votre deuxième choix musical, Jean-Marc. C'est Mada avec Forget Everything. Alors, je peux dire quelque chose. Donc, en fait, c'est alors le groupe s'appelle Mada, en effet, et la chanson est tout à fait originale. Et vous venez de donner le titre. C'est Margarita Davico qui l'a écrite et composée avec David Henry, qui est son pianiste et qui fait partie du groupe Mada. Et ils ont fait ce titre en anglais, mais ils ont aussi pas mal de titres en malgache ou en franco-malgache. Je vous dirai quelque chose sur cette fille après, écoutez sa voix. Forgive me for being so weak. Not you after strain. Even if I can't stop crying, that has put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head. Just a simple story. This our place that's in the broke our heart. And I don't wanna, but I can't stop. I see our love fly away. In my head it exploded, but I feel this feeling, and I feel this weakness, I feel inspiration. I'll break out to the neon, and I want to forget. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget everything in my head. Alors c'est vraiment une très belle découverte. Je ne connaissais pas. En tout cas, c'est une exclue pour vous. Franchement, c'est une exclusivité. Ça va bientôt sortir. Donc je vous le dis, elle a une très très belle voix et elle ira sûrement très très loin. Je vais vous dire où est-ce qu'on peut la voir en ce moment, parce que ça c'est le groupe Mada, c'est son groupe qui existe depuis déjà quelques temps avec donc David Henry, et elle s'appelle, on l'appelle Marguerite, parce qu'en ce moment elle est à The Voice et dans l'équipe de Florent Pagny. Elle a déjà passé les éliminations, elle a fait les battles samedi dernier, elle a encore gagné, et voilà. Ça va évidemment l'aider en notoriété. Mmh. Et ben, on lui souhaite vraiment de bonnes choses pour la suite. Vraiment, c'est déjà, pour ce que j'ai écouté, très prometteur. Et il y avait un lien avec Madagascar, je crois. Oui. Alors, c'est un pays qui vous tient à cœur. Voilà, il y a un lien. Elle, donc, elle est italienne et malgache. Moi, j'ai vécu à Madagascar étant jeune, à l'âge de 5 ans. Mes parents étaient expatriés. C'est un pays qui m'a complètement ensorcelé, on peut dire ça. Et j'y suis retourné en tant qu'adulte aussi, après des expériences télé, après Antenne 2, dont on n'a pas parlé, mais peu importe, pour vivre là-bas. Et j'ai rencontré ma femme là-bas, hein, qui est une descendante de colons, et voilà, qui est une métisse indienne et française. Et nous sommes rentrés dans les années 90 en France, 96. Voilà, Madagascar, c'est un pays extraordinaire, trop pauvre, avec de mauvaises personnes qui gardent toujours en interne l'argent qu'ils distribueraient au peuple. Finalement, c'est toujours pareil pour ces pays défavorisés, mais qui a énormément de potentiel. Et des gens très accueillants, et franchement, moi j'y retournerai, puisque là on peut plus voyager, avec plaisir. Je connais un peu tous les coins de Madagascar. Et Marguerite vient de là-bas. Voilà. D'ailleurs, elle était à Majunga, comme moi, c'est là où j'habitais. D'accord, bah on vous souhaite en tout cas de pouvoir retourner là-bas dès qu'on pourra. Voilà. On croise les doigts. Hein. Et donc Jean-Marc, nous revenons donc à votre parcours. On était à France Bleu. Après France Bleu, alors on avait eu le retour à Radio France et ensuite retour à Énergie. Alors oui. Mais pour autre chose. Exactement. Alors là, pour prendre la direction de la Energy School, en fait, on m'a contacté. Un des anciens animateurs avait pris en main pendant 2 ans cette formation. C'est une école en interne de radio pour former à la fois les programmateurs, les producteurs, les animateurs. Et il fallait des personnes qui connaissent bien l'histoire d'Energy. Alors le premier a fait les 2 ans. Et puis a demandé à prendre la direction de Chérie FM. On l'a mis sur Chérie FM. Et il fallait trouver quelqu'un d'autre. Il y a eu 3-4 candidats quand même pour ce poste-là, parmi nous, les anciens, et notamment moi, qui ai été choisi. Et je pense que c'est parce que j'amenais aussi un plus. Je ne voulais pas les former, j'avais dit à Jean-Paul Baudecrou, je ne veux pas les former à être disque-jockey, je veux amener le côté journalistique, savoir faire du reportage et tout, parce que ce métier, il est en dents de scie. Ce que j'ai lu dans une de vos bios, vous évoquiez ça, vous disiez vous voulez leur faire comprendre qu'il faut pas avoir les paillettes dans les yeux même quand on rentre dans un groupe comme Énergie. Ah bah oui, parce que là-bas c'est on vous met des paillettes. Dès l'accueil. Bah oui, c'est ça. Si vous y êtes allé. Oui. Bon, c'est ça et c'est pas ça le vrai métier, c'est pas ça la radio, c'est pas les paillettes et fréquenter 2-3 personnes connues du showbiz, c'est aussi se casser la figure souvent, mais savoir rebondir et savoir être vraiment un animateur. Donc j'ai fait cette Energy School sur plusieurs saisons et j'ai mené des personnes à l'antenne qui sont soit à Energy, soit sur d'autres radios aujourd'hui. Mmh. Il y avait ce côté partage et transmission, ouais. D'autant que vous aviez appris aussi sur le tas à Energy à l'époque. Ça c'est important de pouvoir à un moment donné se dire je prends du recul et qu'est-ce que tu as envie de faire. Bon, moi j'avais pas envie d'être pousse-disque à Nostalgie ou ailleurs à mon âge. Il fallait que je transmette quelque chose et j'avais vraiment envie de le faire auprès des jeunes et je le fais aujourd'hui. Je le fais grâce à la web radio, grâce à du matériel dans lequel j'ai investi. Et je fais des formations et je vais dans les établissements scolaires et je m'adresse à ces jeunes pour la prise de parole parce que c'est lamentable en France. Il y a un gros problème là-dessus. Et je m'occupe aussi des enfants 10. Ce sont des enfants qui ont des troubles des apprentissages et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je fais donc à travers le micro, la voix, le casque, une valorisation de l'individu. Et donc, vous voulez venir peut-être au fait que j'ai été coach, je suis coach, non, je sais pas. Oui, il y avait ça aussi. Justement, vous disiez un truc sur votre site web, une citation que j'ai prise et qui m'a beaucoup parlé, que j'aime beaucoup. Vous dites, je cite, « J'ai eu la chance de découvrir que la voix était un élément essentiel dans le parcours de l'homme. Elle est aussi importante que l'apparence, le savoir-être, le savoir-vivre. La voix permet de prendre confiance en soi d'une manière que vous n'imaginiez même pas. » Oui. Je vois que vous fouillez bien quand vous recevez quelqu'un. Ça, c'est bien, c'est pas en diagonale. À travers la voix, on entend et on détecte vraiment qui est derrière. La voix, c'est ce que je leur dis à chaque fois aux jeunes. Vous avez quoi sur les mains? Des doigts. Non, mais sur les doigts, des empreintes. Ok. Vous les voyez pas ou à peine. Mais votre voix, elle est invisible, c'est votre empreinte, c'est l'empreinte de qui vous êtes. Comment? Si vous êtes malade, on l'entend à travers la voix. Si vous mentez, ça s'entend aussi. Et en plus, il y a le non-verbal qui vient, qui se rajoute. Toute la gestuelle. Et je leur apprends à faire de la prosodie avec la voix, parce qu'il n'y a rien. Quand vous allez vous vendre pour trouver un job, si vous savez pas quoi dire, si vous bredouillez, si vous mettez pas, si vous ne croyez pas à ce que vous ressortez, celui qui est en face, il le croira pas. Donc il va pas vous prendre. Et puis pour les lycéens, pour les jeunes, c'est pareil. Il faut rendre vivant quand ils sont devant un jury. Il faut rendre vivant ce qu'ils vont exposer. D'habitude, c'est toujours comme un exposé très linéaire. Non, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort. Bon, c'est ça que je dis avec la voix et dans ce que vous avez lu. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit que la radio, c'était une bonne thérapie. Mais alors, par contre, moi, j'ai juste envie de vous poser une question personnelle. Est-ce que c'est normal qu'on ne supporte pas d'entendre sa propre voix? Moi, j'aime bien ma voix. J'ai pas peur de le dire. Non, franchement, comme ma voix, j'ai appris au départ, j'aimais pas m'entendre sur un répondeur, mais de toute façon, c'est la machine aussi qui fait qu'elle déforme le répondeur. En plus, à l'époque, on était un peu comme ça, une voix. Mais ma voix, elle m'a servi à gagner ma vie beaucoup. Quand j'avais des périodes creuses en radio, j'enregistrais tellement de publicités, de commentaires pour des documentaires, pour le groupe TF1, pour des trucs sur la mode et tout, que ma voix, bah, je gagnais beaucoup. Je gagnais avec ma voix. Je peux pas cracher sur ma voix et dire que je l'aime pas. J'adore, j'aime bien ma voix. Et j'espère la garder jeune longtemps et pas arriver... Tant que Dominique Duforest dit que vous avez une belle voix, c'est ça. C'est bon. Voilà, voilà, voilà. Juste pour revenir sur Énergie, juste pour terminer avant de passer aux questions. Depuis 40 ans, donc la FM libre a beaucoup évolué, la radio dans sa globalité aussi. Elle est en pleine mutation en ce moment avec notamment la radio numérique. Ouais. Mais vous qui avez commencé donc et vécu cette époque des radios libres, quel avis vous avez sur la radio aujourd'hui? Ah, alors, est-ce que j'écoute déjà la radio musicale? Non, pas beaucoup. En voiture. Si on me demande si j'écoute la radio en dehors de la voiture, non. Je fais comme tout le monde, j'écoute des playlists. Enfin, je télécharge, quoi. Mais la radio FM, je pense qu'elle est, oui, sur une période charnière. Vous savez, quand je pose des questions dans les établissements scolaires, quelle radio vous écoutez? Ils me répondent pas. Ils n'écoutent pas la radio, les jeunes. C'est pour ça que les sondages de médiamétrie m'étonnent souvent. Parce que de moins en moins de jeunes écoutent la radio. En fait, ils l'écoutent quand il y a les parents dans la voiture et tout ça, mais vous leur demandez le nom d'un animateur, c'est plus du tout comme avant. Oui, le mec du matin, alors oui, ils vont encore sortir 2-3 noms, c'est vrai, qui sont le matin ou l'après-midi, mais de moins en moins, la radio, ils l'écoutent. Hein. Ils sont tous avec leur téléphone et puis ils écoutent. Et je pense que la radio de demain, c'est plutôt le podcast. Vous choisissez, on vous impose plus, quoi. Vous choisissez, comme vous, on peut écouter le podcast de l'émission, pour ceux qui sont pas là maintenant en direct, la radio, en plus, alors oui, au niveau qualité sonore, je crois que le DAB+, là, c'est, je connais pas trop techniquement ce que c'est, mais on est en plein, en ce moment, en France, aujourd'hui, je crois, il y a encore plein de radios qui passent en DAB, en DAB+. Mmh. Vous y êtes déjà. Donc ça donne peut-être une dynamique, techniquement, avec ce qui sera fait sur les radios. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et je parle beaucoup des musicales, parce que les radios d'info, voilà, il y a France Info, c'est bien. Moi, j'écoute France Info, hein, sinon. Mais les radios musicales, elles ont du souci à se faire, quand même. Et ben, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais attendant, j'ai envie de retourner dans le passé avant de passer la partie questionnaire, juste pour le plaisir. Allez, on va s'écouter quelques jingles Énergie de l'époque. D'autre part, Énergie recherche des jeunes bénévoles pour assurer le service d'ordre de ces différentes manifestations et notamment des avant-premières cinéma. Il nous faut une équipe de choc. Alors si cela vous intéresse, envoyez une photo avec vos coordonnées à service d'ordre Énergie, Cedex 1616 Paris Brune et Max Guazzini sélectionnera. Voilà. On pouvait oser des choses à l'époque. Hein. Ah oui, mais il y a plus trash, c'est vrai. Il peut y avoir plus trash que ça. Ouais. La mécanique des ondes. Sacré parcours et un chouette retour vers les radios libres qu'on a eu tout à l'heure avec Jean-Marc Laurent, donc invité de la mécanique des ondes. Faudra qu'on fasse encore des retours en arrière comme ça, surtout que là on approche des 40 ans des radios libres, c'est au mois de mai. Juste avant de vous laisser, Jean-Marc, parce qu'il nous reste encore 5 minutes ensemble, quelques petites questions. D'accord. Allez, on commence avec la question capsule. Je l'ouvre et à l'intérieur, une question. que Mathieu Béliard nous a laissée un mois plus tôt. Elle est pour vous et on l'écoute. Bonjour Jean-Marc Laurent. Alors moi j'ai une question très simple. Vous avez connu une période où la radio n'était pas filmée. Je ne vais pas vous demander si c'était mieux ou moins bien puisqu'on n'a pas le choix. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez de plus inavouable qui s'est passé en studio, à l'antenne, alors que ça n'était pas filmé justement et qu'il n'y avait pas de preuves pour les auditeurs? Alors là, il est à Europe 1, lui, c'est ça. Le matin, oui. Je fais la matinée. Oui, je connais. Donc je vois que je suis filmé là aussi en plus. Non. Ça va. Bon. Alors qu'est-ce qui est inavouable? Bah en fait, très sincèrement. Moi j'étais sage, hein. Mais après c'était plutôt ce qu'on pouvait boire ou fumer, et puisque à l'époque voilà on pouvait pas trop vérifier, il y avait pas de loi ni rien. Voilà, il pouvait y avoir des bouteilles, des choses comme ça sur le bureau, ou une auditrice qui venait, qui passait, qui pouvait être aussi en soutien-gorge, on ne sait pas pourquoi, mais c'était dingue. Choses qui n'arriveront plus aujourd'hui dans les studios. Autre époque. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Marc? Ah, je suis prêt. Alors rapide en plus. Oula. Ah oui, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Radio et télé, c'était Michel Drucker. C'est. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1, La Pêche. Quelle radio vous réveille le matin? Alors, dans la voiture, je suis déjà réveillé, France Info ou Voltage ou d'autres radios. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas la radio le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Ah bah plutôt sur mon ordinateur, dans le bureau. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Plutôt sur mon ordinateur, dans le bureau. Ah. Ça dépend. Votre meilleur souvenir de radio? Bah j'en ai plein. Meilleur souvenir de radio, sans doute des rencontres avec des gens hyper connus que je n'aurais jamais croisés si j'avais pas été dans ce métier. Je me souviens beaucoup de Dalida. Et puis après, bah Thierry Leluron, et puis des gens avec qui j'ai travaillé. Je peux donner deux noms rapides, par exemple Marie-Charlotte de Cassagnac, qui travaille à 30 millions d'amis, que j'ai croisé grâce à la radio, et qui m'a fait travailler ensuite pendant des années pour 30 millions d'amis. Et puis Gilbert Richard, un producteur qui m'a fait faire le loto. Le pire souvenir? Ah bah, le pire souvenir, quand j'ai quand même été viré d'énergie. Et un conseil... là, dans les années 2000. Et pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Alors, savoir être multicarte, ne pas se prendre la tête. Et travailler à fond, à fond, à fond. Et puis essayer de pas passer ses nuits, surtout si on veut être en forme le lendemain. N'importe où, voilà, il faut être toujours en forme, parce que la voix, bah c'est ça qui fait la radio. Et alors juste avant de nous quitter, Jean-Marc, oui. Juste rapidement, vous me disiez que vous aviez un article sur les radios libres qui va bientôt arriver. Oui, exactement, je suis content que vous m'en parliez. J'ai écrit un long article à l'occasion donc du 40e anniversaire. Ça va sortir dans Histoire Magazine, le hors-série d'Histoire Magazine qui va sortir au mois de mai. Le thème global, c'est la naissance de la France contemporaine, et il y aura donc pas mal de pages de témoignages sur les débuts de la radio. Voilà, Jacques Lang, Michel Cotta, des animateurs, des auditeurs aussi que j'ai retrouvés, m'ont donné leur témoignage. Très bien, bah écoutez, on surveillera ça et on verra sur les réseaux sociaux si vous nous envoyez des liens. Pas de souci, merci beaucoup, c'était un super moment et j'ai l'impression que j'ai 20 ans là, je vais sortir du studio, ça y est, j'ai retrouvé mes 20 ans. Bah, surtout 14h, c'est presque la fin de votre tranche sur Énergie à l'époque. c'est vrai. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, en tout cas de cette mécanique des ondes. On revient le mois prochain et d'ici là, l'émission sera retrouvée en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur lamécaniquedesondes.com. Merci.